Cette semaine, on parle du Pixel 2 de Google, du G1X Mark III de Canon, des différences entre l'iPhone 8 et l'iPhone X ou 10, c'est selon, et on parle de la mort de la photo. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 115. Stéphane Vaillancourt au micro, en compagnie de Christian Jarry. Salut Stéphane. Et de pas François Blanchette. On le rappelle qu'il nous a abandonné pour faire de quoi de... Bon, il paraît que c'est noble de s'occuper de ses enfants, puis de sa femme enceinte, et de choses comme ça. Qui a peut-être accouché au moment de publier cet épisode, d'ailleurs, j'en ai aucune idée. La date... Ouais, t'es quand même avec. Ben, la date, c'est fin novembre. Oh, mais on sait jamais. Moi, j'ai misé sur le 15, donc... Bon. Ça peut arriver un peu tout à l'avance. Fait. Hein. C'est des choses qui arrivent. Mais bon, peu importe. Ma première était due le 1er juillet. Tout le monde voulait que ce soit le 1er juillet. Pour des raisons, en tout cas, bref. Puis moi, j'avais... ma blonde avait dit, dans ce temps-là, tu pourrais faire un... C'était sur Sears.ca. C'était des choses que tu avais achetées de Sears. Ils étaient remboursées. OK. Puis elle avait mis le 1er juillet. Puis elle est née le 2. Oh. À 2h du matin. Oh. Donc on l'a pas manqué de beaucoup. C'est triste. Mm-hmm. Ben, c'est un bel événement. Oui, non, mais je comprends ce que ça. Oui, c'est triste que vous ayez manqué ça de 2h et 1 minute, genre. Oui. Enfin. Qu'est-ce que tu as fait côté photo, toi, depuis le dernier épisode? Il n'y a pas longtemps. C'est ce temps de l'année qui est revenu au Jardin botanique. Alors, je suis allé voir les lanternes. Je suis allé aussi. C'était très beau, d'ailleurs, ce qu'ils ont fait cette année. Ben, c'est rare que ça ne l'est pas, là, entendons-nous. Mais je sais pas, j'ai trouvé que l'aménagement était particulièrement réussi cette année. Il y a quelque chose qui me parlait. Tu parles au centre, dans l'eau. Là, ça, c'était vraiment magnifique. C'était magnifique. Mais d'autres, par contre, j'étais un peu d'accord que c'était moins beau. C'était moins... Je trouve qu'il y avait un petit peu moins de décoration. Ouais. Il y avait un pavillon de fermé. Il y en a souvent un. Mm-hmm. D'une année à l'autre, ça change. Ils font de la restauration, des rénovations. Mm-hmm. Mais j'ai trouvé qu'il en manquait un petit peu. Là-dessus, je suis d'accord. Celui au milieu de l'eau était vraiment impressionnant, mais les autres, me laissait un peu plus indifférent. Mm-hmm. Mais bref, donc j'ai pris quand même beaucoup de photos. Je suis quand même content de ce qu'on a réussi à faire. Mais Est-ce que tu en as publié sur Flickr? Non. Je me souviens pas. Non? OK. Non. Ils sont encore dans mon appareil photo. Ah non! Oui, il faut que je m'en occupe. J'ai plein de choses à faire ces temps-ci, fait que j'ai pas eu le temps. Bon. Ben écoute, si tu le fais, on les mettra dans les notes d'épisode. C'est ça serait intéressant. Ben, je vais le faire, là, mais c'est juste parce que j'ai juste pas eu l'occasion. Ouais. C'est parce que. Ben, tu sais, je t'apprends rien en disant que c'est pas juste les prendre puis les mettre sur Flickr. Je sais que je vais les travailler un peu, les choses, puis ça, fait que faut que je me boucle quelques heures. Mais je suis bien occupé, j'ai le travail, j'ai des articles à faire pour Best Buy, j'ai des articles à faire pour Geekbécois, j'ai des tests à faire de jeux vidéo, fait que je suis comme, ça me sort des oreilles. Je te comprends. Les miennes aussi, ça m'a pris... quelques semaines avant de les sortir. J'en ai pas sorti beaucoup parce que moi, j'étais, contrairement à toi, j'étais pas super satisfait. Peut-être que je suis juste trop critique. J'étais pas super satisfait de mes photos. Ah je suis allé là juste avec mon 55 mm. Mm-hmm. Oh ça c'est tough un peu, par exemple. T'aurais dû prendre plus... L'année passée, je l'avais apporté puis je m'en suis servi pour 3 photos, je pense. Mm. Mon 24-70. Puis là, cette année, je me suis dit, est-ce que je la porte ou pas? Puis finalement, je l'ai oublié. Ça a réglé le problème. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait beaucoup de gros plans, des lanternes. OK. Mais il manque un peu, justement, de trucs plus larges. Au milieu de l'eau, j'en ai quelques-unes, mais il manquait comme un 7-8 mm des fois pour faire le cadrage que j'aurais voulu. Il me manquait pas grand-chose, mais déjà, juste un 50 au lieu d'un 55, ça aurait peut-être été bien. Ouais. Mm-hmm. Mais bon. C'est la vie. Ça te prendrait un 35? Oui, je sais. Mais il est cher, le 35. Oui, il est bon, là. Il est très bien coté, mais il est cher, le 35 mm. Je voulais le 28 f2. Moi, ça aussi, ça serait pas mal. Qui n'est pas le meilleur sur le marché, mais qui est bien coté quand même aussi. On s'entend que des fois, la définition de meilleur sur le marché... Non, je sais, mais c'est parce qu'il peut y avoir un peu de déformation sur les côtés. Mais bon... C'est facilement correctible. En effet. Mais c'est ça, j'hésite. Je suis en processus de réflexion, puis je verrai. Bon, peut-être que ça ira en 2018, je sais pas. Ça peut être très proche. C'est proche 2018 quand même quand tu regardes ça. Bon, c'est ça. À part les lanternes. Moi, j'ai eu, c'est pas vraiment de la photo, mais j'ai eu à faire une petite réorganisation de mon environnement. Parce que j'ai un serveur de fichiers qui a rendu l'âme. Oups. Un NAS, comme on dit. Écoute, t'en as bien des problèmes avec ton NAS, me semble. Non, c'est parce que toi, ça fait longtemps que tu es au courant de ce problème-là, mais pas les auditeurs. Ah, c'est pour ça. Et c'est non, ça. Mais je veux dire, même là, même dans les dernières années, me semble, ça t'est arrivé quelques fois. Non, c'est des disques qui meurent, mais c'est normal. Okay. C'est un NAS à 10 disques. Ouais. C'est sûr qu'il y a une rotation à un moment donné, et ce ne sont pas tous des disques de haute qualité que j'ai mis dedans ou qui étaient dedans quand je l'ai acheté, parce que je l'avais acheté usagé. Puis avec le temps, ben j'ai des disques que le type m'a dit, je pense qu'il y a quelque chose comme 60 000 heures pour un disque dur. Là. C'est comme 7 ans non-stop. C'est normal que ça lâche à un moment donné. Les meilleurs disques durs sont garantis 5 ans. Là. Donc, tu sais, après 7 ans, que ça tienne encore, c'est quand même assez impressionnant. C'est ça. Donc, j'ai contacté Synology. On était rendu à une étape où là, il allait se connecter à distance. Puis là, j'avais ouvert mes ports, du moins je croyais, sur mon routeur. Puis là, ils n'ont pas été capables de se connecter. Puis là, ben, c'est là que je suis rendu. Mais là, avec le changement d'emploi et tout ça, j'ai comme pas eu le temps de m'occuper de ce dossier. Mais comme je suis une personne un peu paranoïaque, parce que j'ai déjà perdu des données dans le passé, j'ai deux NAS. Donc, j'en ai un qui fonctionne en ce moment et j'ai pas de problème, là. Mais c'est mon NAS de backup, donc qui contenait vraiment tout, qui a lâché. Et là, j'ai perdu j'ai perdu quelques fichiers quand même. Pas des photos, j'ai perdu peut-être des JPEG, là, mais pas de fichiers RAW. J'ai pas perdu de trucs vraiment vitaux, là, nécessaires, mais j'ai quand même perdu quelques trucs. Ça m'a pris pas mal de temps. Donc, tu sais, ça fait partie du processus aussi quand on fait de la photo, si on a des backups, des copies de sûreté sur des disques externes ou des disques réseau, des trucs comme ça, ben c'est de la gestion aussi. Il faut penser à ça qu'un jour, si ça fait longtemps, vous vous dites, hey, moi, je suis content, ça fait longtemps que j'ai ma copie de sauvegarde et que votre disque dur, ça fait 5 ans que vous l'avez. Commencez à penser à le changer avant qu'il ne vous lâche. Oui, mais il faut quand même aussi mettre une chose en perspective, puis ça, c'est important d'en tenir compte, c'est s'il est connecté tout le temps versus un disque dur externe que tu déconnectes, ça change quelque chose effectivement. Aussi. Mais s'il est déconnecté trop longtemps, pas bon non plus. Non, c'est vrai, c'est vrai. Parce que ça peut figer, tu sais, les disques mécaniques, là, ils peuvent finir par figer ou il peut y avoir des petits problèmes. Exact, mais tu fais comme moi, ce que je fais, c'est que, je pense que j'en avais déjà parlé, j'ai un disque dur de 4 Tera externe à la maison pour mon laptop, puis j'en ai un au bureau de 1 gig, un Tera plutôt. Un gig, ça ne servirait pas à grand-chose. Puis ce que je fais, c'est je le connecte quand je vais au bureau de temps en temps. Là, d'ailleurs, ça faisait une couple de jours. Là, mon time machine me disait ça fait 20 jours que tu t'es pas connecté. Fait que là, je l'ai connecté ce matin. Mais de même, ben, ça m'arrange parce que dans le fond, s'il se passe de quoi chez nous, j'ai ma mise à jour, ma sauvegarde au bureau. Fait que tu sais, je suis correct comme ça. Il n'y a pas trop de problème avec ça. Mais c'est un disque dur externe. Fait que il n'est pas tout le temps connecté. Je le plug juste quand j'ai besoin, mais comme tu dis, il faut le plugger de temps en temps. Puis, je me suis... À part ça, je me suis acheté un micro pour pour R2. Oui. Pour R2. Pour mon Sony R2. A7 c'est R2. Ben oui, ben c'est un beau petit surnom affectueux. Et puis, c'est un micro externe avec l'espèce de petit truc en peluche là, pour couper le vent et tout ça. Puis, il a coûté comme 100 quelques dollars. Je me souviens pas trop. C'est François, d'ailleurs, qui m'avait guidé vers ce modèle-là parce qu'il y en a à 500-600 dollars, des micros. Lui, il n'est pas... je pense que tu m'as répondu la dernière fois qu'on a eu un show, mais il n'est pas exclusif à Sony. C'est un micro... Ben c'est un micro Sony qui ne... Il n'est peut-être pas exclusif. Non, parce mais dans le sens qu'utilises-tu le horseshoe sur le dessus? Oui, le sabot. Le sabot. ça dépend des modèles. Ouais, parce que ça. Oui, il y a un fil, une sortie microphone pour aller se brancher dans l'appareil photo si le sabot ne le supporte pas. Okay. Donc, sur l'A7 R2, oui, c'est par le sabot. Ouais. Sur mon A7, le Nexus, ça prend le fil externe. Okay. Donc c'est... Parce que moi-même, je m'en cherche un, honnêtement, ça fait toute une différence sur le mais son. Attends de changer d'appareil avant de t'acheter un micro. Ça, c'est clair. Là. Parce que tu parlais au dernier épisode que peut-être que... Ah, ça fait longtemps que c'est d'implant. Là. C'est le détail de l'argent. C'est oui, absolument. Toujours... Ben, c'est parce que si je voulais juste un appareil à 500-600 $, je l'aurais déjà. Ben oui. Mais celui que je regarde, il est plus comme 2000. Lequel tu regardes déjà? Moi, ça, c'est celui qui m'est toujours encore autant dans l'œil, c'est le X-T2. Oui, le Fuji X-T2. Ouais. C'est le meilleur rapport qualité-prix-poids. Tout ça ensemble, je trouve que tu rabattes. Mais 2400$, là. Oui, c'est pas donné. Non, c'est ça. Ça, c'est sans les taxes. Oui, ah, c'est cher taxe. Ouais. Oui, oui, c'est cher taxe. Bon, on parfait. Va attendre une petite baisse de prix, voyez-vous. Oui. Sage décision. Mini nouvelle, il y a le Photokina qui se produit à tous les deux ans, là, donc qui est le gros salon, le gros congrès de la photo qui se produit en Allemagne tous les deux ans. La prochaine édition aura lieu du 26 au 29 septembre 2018. On en parle déjà parce que c'est dans moins d'un an. Mm-hmm. Mais la nouvelle n'est pas là. La nouvelle est que l'édition suivante sera du 9 au 11 mai 2019. Et que ce sera dorénavant chaque année. Ça ne me surprend pas vraiment. Ouais. Je pense quand même qu'on avait déjà parlé dans le passé, qu'on se demandait pourquoi ce n'était pas chaque année. Oui, parce que deux ans, c'est long, deux ans maintenant qu'ils sortent des appareils. Ou six mois, me semble, ouais, quasiment, ces temps-ci. Ça dépend, là, évidemment. Non, je sais bien, là, mais oui. Je dis, mais sacrifié, ils en sortent c'est... tellement que. Mais c'est plus qu'aux années. Oui. Dans certains cas, là, ils n'attendent pas trop longtemps, disons. Non, c'est ça. Donc voilà, c'était pour aviser les gens, surtout ceux qui sont en Europe ou ceux qui prévoient peut-être faire le voyage un jour, bien là, il va y avoir une édition annuelle. Là, en 2019, c'est au mois de mai, mais je ne sais pas si par la suite, ça va toujours... au mois de mai. Ouais, ou s'ils vont rester en septembre, si c'est exceptionnel pour cette année-là. Ça sera à suivre, mais... Peut-être un mois, une année en mai, une année en septembre, je ne sais pas. Peut-être. Mais là, ça fait un délai court quand même. De septembre 2018 à mai 2019, ça fait pas un an, là. Fait que je ne sais pas pourquoi cette décision-là? Ou peut-être que là, justement, ils amènent une édition annuelle en mai plutôt qu'en septembre. Peut-être. On verra. J'imagine, je peux espérer qu'ils avaient leur bonne raison de le faire. Probablement, oui. Parfait. Tu avais une nouvelle du côté de Canon, toi? On en a déjà parlé un petit peu dans le passé, le PowerShot G1X de Canon. Oui. Un appareil qui est quand même à respecter, là, assez fonctionnel. Ce qui est intéressant du nouveau modèle, le Mark III, c'est le premier compact avec un capteur APS-C. Ah! Là, ça commence à devenir quelque chose de très intéressant. Oui. C'est pas particulièrement petit, je vous avertis. Là, c'est un petit peu plus petit que ton appareil à toi. Il n'est pas minus quand même. Là. Oui. Mais ils disent que c'est un compact. Disons que la définition de compact, dans ce cas-là, à mon opinion, c'est un peu... mais bon, en tout cas. Bref, tout ça pour dire qu'on a un capteur de 24,3 mégapixels, excusez-moi, avec un objectif de 24-72 de 2,8 à 5,6. Okay. Donc, c'est respectable, ça a du bon sens. ISO 100 à 25699. On parle d'un capteur OLED, un viseur OLED à 2,36 millions de points. Un autofocus touché et touch and drag. Fait qu'on peut, on peut glisser le point d'autofocus sur l'écran. Ça peut être intéressant. 7 images par seconde, bon Wi-Fi, NFC, Bluetooth, Full HD 1080p à 60 images par seconde avec une stabilisation à 5 axes. Ah, c'est bien. C'est quand même très bien. Et résistant à l'eau et aux poussières. Fait que, en tout cas, regarde, disons que c'est quand même assez intéressant. Il parle de 1300$ américains. Fait que ça va être assez dispendieux finalement. Mais je serais curieux de mettre le doigt là-dessus. Comme je disais, il n'est pas super petit. Il n'est pas petit. Ça ressemble à peu près à la grosseur du celui qu'on parlait la semaine passée, le Fuji X100F. Okay. Ça se met techniquement dans une poche. Est-ce que j'appellerais ça compact pour autant? Ouais. Je sais pas, je trouve cette appellation-là un peu étrange, là. Compact point and shoot, là, c'est pas un... Ouais, c'est pas exactement un petit appareil... C'est ça. Ça dépend de la poche. c'est ça, là. Et on parle bien sûr celle sur les côtés du pantalon, là, mais bref. Ou de manteau. Oui, c'est ça. Voilà. Mais tout ça pour dire que ça reste quand même, je le répète, un appareil quand même assez petit avec un capteur APS-C et beaucoup, beaucoup de fonctionnalités. Il y a même un écran pivotable. Est-ce que Canon aurait compris finalement quelque chose? Ben c'est ça, parce que j'allais, justement, je me disais, lancer un appareil compact, quand on sait que les appareils compacts sont menacés par les téléphones, ça prend des avantages quand mm-hmm. même. Donc là, oui, il y a un zoom 24-72. Oui, 24-72. Tu sais, ISO qui peut monter assez haut. Oui. Là, si tu as un écran qui pivote, là, il commence à avoir des trucs plus intéressants. Parce que sinon, tu te dis, ben pourquoi payer un tel exact. Montant? Tu sais, je veux dire, Wi-Fi, NFC, Bluetooth, même, c'est pas super fréquent. Mm. Regarde, je sais pas. On dirait qu'ils ont peut-être finalement compris le message. On peut-tu avoir ça sur des DSLR maintenant? Non, non, mais les DSLR sont dépassés. Oui, non, clairement, clairement. Ouais, de toute façon, on va en parler. Là. De toute façon, ça donne rien, la photographie, c'est fini. Ah, c'est vrai. Hein? Mm-hmm. Là, ça aurait été bon que tu fasses le lien. Quand on serait rendu au topo. Oui, mais c'est le pratique, fun aussi. C'est bien. Non, non, c'est bon. c'est non, mais dans ce cas-là, je tease. Ah, je, oui, tu teases, ouais, ouais. Oui, oui, clairement. D'accord. au dernier épisode, tu nous parlais de l'iPhone 8, oui. Qui était 8 Plus, pardon, oui. Qui avait le nouveau record pour le site DxOMark oui. à 94. Mais je me suis rendu compte qu'on avait... Il s'est tellement passé de temps. Je me suis rendu compte qu'on n'a même pas vraiment parlé, en fait, du iPhone 8. C'est vrai. Alors, le 8 Plus, c'est le 10. Garde-toi. Je vais me gâter. donc, on a trois modèles. Le 8, le 8 Plus et le 10 ou X. Ça dépend si vous lisez en chiffres romains. C'est ou ça, exactement. Je trouve que c'est une décision étrange, là, mais bon. Je sais c'est quoi le clin d'œil qu'ils ont essayé de faire, mais je non. Ce sont des choix de personnes placées, un petit peu plus haut que moi, je crois. Bref, tout ça pour dire que le iPhone 8 est disponible en 4.7 pouces et en 5.5 pouces. On parle d'une résolution de 1334 par 750 pixels. C'est pas énorme, mais bon. Puis c'est, en tout cas, je sais pas pourquoi ils font pas, disons, du 720p ou ils rajoutent quelques pixels. J'ai aucune idée pourquoi ils décident de faire ça, mais. On a quand même 326 points par pouce, qui est quand même très bien, par contre. Mais... Ou c'est peut-être pour respecter l'espèce de Retina Display. Je mais pense que oui. C'est ça à 326, pas. Je ne me rappelle pas. Je pense que oui. C'est ça, peut-être. Je pense que oui. Le iPhone X, pour lui, il est 5.8 pouces, qui est encore plus gros que l'autre. Lui, par contre, a une résolution de 2436 par 1125. Avec 458 points par pouce. Mm. Et c'est, ça, c'est le bout qui est assez impressionnant. C'est un ratio d'écran pour boîtier de 82,9%. OK. Il n'y a pas grand-chose qui est pas l'écran sur le devant. C'est ouais, assez ouais. impressionnant. Non, mais c'est ça. Sur le 8, c'est 65,6. Ouais. C'est une méchante. Donc, grosse ouais. différence. Très grosse différence. En tout cas, je ne suis pas pour vous autres. Moi, je trouve ça très gros, là, 5.8 pouces. Là, ça... À 5.5, je trouve ça gros. Fait que 5.8, là, c'est... Là, ils ont décidé pour le iPhone X qu'il n'y aurait pas de capteur pour l'empreinte digitale. Alors, c'est votre visage qui va débarrer votre téléphone. Okay. Comme beaucoup de monde, et avec raison, moi, je trouve, on dit c'est pas une grosse nouvelle considérant qu'Android a ça depuis quoi... Samsung font le visage, l'iris, l'empreinte. T'as comme 8 modes pour déverrouiller un téléphone. Ça me fait rire de vendre le téléphone avec ça, là, mais en tout cas, qu'est-ce que tu veux? Ben non, mais ils ont pris une décision d'enlever les composantes physiques, j'imagine, du téléphone, de garder juste les capteurs ou les espèces de caméras. Ben en fait, le problème, il était pire que ça, c'est parce qu'ils pouvaient pas... Il aurait fallu qu'ils le mettent à l'arrière, chose qu'ils voulaient pas faire parce que Android fait ça. Ouais. Fait qu'il faut pas faire pareil. Ah, c'est ça. Mais bon. Fait qu'ils pouvaient pas le mettre à l'avant parce qu'ils voulaient que ça soit... presque juste un écran. Fait que... Pourtant, sérieusement, là, pour avoir essayé les deux, là, je préfère de loin un lecteur d'empreintes à l'arrière du téléphone parce que tu le tiens comme ça déjà. Donc ton moi, doigt j'aime pas ça. Moi, je trouve ça naturel plutôt qu'à l'avant, au bas de l'écran. Pas de moi, de la façon que je... Tu vois, regarde, moi, je tiens mon téléphone comme ça. OK. Fait que pour moi, c'est pas commode. Je sais pas, moi, j'aime vraiment pas ça. Non, mais tu le tiens comme ça, mais sauf que ton doigt, t'as juste à le bouger à peine pour aller le mettre sur le lecteur. Je le tiens toujours comme ça, fait que je sais pas. Okay. Je comprends que, en tout cas, normalement, tu le tiens dans ta main, mais tu vas placer ton doigt, puis une fois qu'il est placé, tu le remets, je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai essayé tellement de modèles que pour le moment, en tout cas, les modèles qui ont le lecteur à l'arrière, moi, je trouve ça plus naturel, mm-hmm. mais c'est une question personnelle. Exact. Mais tu sais, je dis, j'aime moins ça. Est-ce que je regarde à m'habituer n'importe quel? Ben, quelques fois ou quelques jours, à la limite, t'es habitué. Là, mais sincèrement, le fait qu'il n'y a plus le lecteur d'empreintes, moi, le visage, ça me parle pas en tout. Ouais. Sincèrement, je en tout cas. Mais c'est parce que des fois, tu peux l'activer sans le vouloir. C'est ça l'affaire. Tu regardes ton téléphone. Whoop, ça... c'est ma peur, sincèrement. C'est un peu ça. En tout cas, il n'est pas sorti encore. Fait qu'on ne sait pas vraiment. J'ai pas vu de critique en non fait, plus. Il est sorti depuis un peu avant la diffusion de l'épisode. Là, mais... Ah oui, oui. Oui, peut-être, là, mais je parle... Ouais. En tout cas, bref. Ça mais on ne l'a pas vu encore. Non, c'est ça. Vraiment. Ouais. Pas vraiment de critique vraiment que j'ai eu l'occasion encore de lire, disons. Pour ce qui est de tout ce qui est les composantes en tant que telles, c'est, pour ainsi dire, le même téléphone, dans le sens que c'est deux processeurs à 11... Le même que quel modèle? Là? Que ce soit le iPhone X ou le iPhone 8, les deux, c'est le même processeur à l'intérieur, okay. 6 cœurs, le même processeur graphique 6 cœurs, etc. La seule différence, c'est que le 10 a 3 gigs de RAM, tandis que l'autre en a 2 gigs de RAM. Okay. Je sais que ceux qui sont Android vont faire comme « Ah, si peu que ça! » Oui, mais c'est pas nécessaire du côté d'iOS. Ah, c'est pas tous les téléphones qui ont plus de 3 gigaoctets de mémoire. Comment ça en avoir? Il y en beaucoup. A à 4, là, mais c'est pas... En tout cas, il n'y en a pas tant que ça non plus. Mais il est moins gourmand à iOS sur la mémoire que les Android pour ça. Ben, je sais pas. Ben, c'est assez connu, ça. Ouais. Sincèrement, là, c'est... Bref, je dis pas qu'il est meilleur, je dis que c'est juste géré différemment. Oui. Puis, dans le fond, ce qui nous intéresse le plus dans notre cas, c'est l'appareil photo. L'appareil photo, le plus intéressant, je te dirais que c'est vraiment le 10, c'est... un appareil photo de 12 mégapixels avec un objectif téléphoto. Donc, un zoom optique 2X. Mm-hmm. Pas super impressionnant, mais c'est déjà ça. On a une ouverture à f1.8, mm-hmm. ce qui peut être quand même assez impressionnant pour ton 12 mégapixels. Puis, une autre caméra à l'avant de 7 mégapixels à 2.2 d'ouverture. Okay. Bon, c'est correct. Là, on s'entend que pour faire des selfies, là, c'est bien correct. Là. Moi, je suis très, très curieux de voir ce qu'ils sont capables de faire avec ça. C'est vraiment le X, le 10, que supposément qui serait le meilleur. Mais comme j'ai pas lu encore de critiques, j'ai hâte de voir. Puis c'est paradoxal parce que c'est celui qui m'intéresse le moins des trois. Là, mais... À cause du prix ou à cause... de la grandeur d'écran. La grandeur d'écran, le prix. Okay. Pas de lecteur d'empreintes digitales. Ouais. Je sais pas. Mm-hmm. Bon, il t'interpelle moins. Il m'interpelle beaucoup moins. Ouais. Je sais pas. En tout cas, regarde... pour une fois, là, je vais donner aux amateurs d'Android un point total majeur. Là. Ça semble être pour flasher. Mm. Tu sais, je sais pas, je suis vraiment, mais j'ai vu l'annonce, puis j'étais comme, tout ça pour ça, mm-hmm. vraiment, là, je sais pas, là, hey, j'ai vu, là, on parle de 550$ avec un contrat de 2 ans pour un 32 gigs, là. Ouais. C'est, 30, non, ils sont pas 64? Oui, t'as raison. Oui, il me semble qu'il y a plus 32. Non, il y a plus 32, mais quand même, ouais. là, c'est 550$, là, c'est... En tout cas, je sais pas. Je suis comme blasé un peu, je dirais. Bon, alors, terminons ce topo. Passons au suivant. Mm-hmm. Oui. Bon. D'ailleurs, avant que de complètement conclure, c'est drôle parce que, mm-hmm. en fait, l'entrée en matière était à propos de ça. Le score de 94 sur DxOMark... a été battu mm-hmm. depuis par le Pixel 2 de Google. Donc, 2 ou 2 XL qui sont exactement les mêmes appareils. Là, c'est ça. Ouais. Donc, à part la grandeur, la taille d'écran et la couleur du boîtier, il y a des petites variantes, mm-hmm. là, mais c'est principalement le même appareil. C'était juste pour t'agacer un peu. Ben non, non, mais c'est un score qui a été donné par un site. Ben moi, je trouve ça hilarant parce que je veux dire, en un épisode, on a passé du meilleur score jamais à 94 au meilleur score jamais à 98. 4 de plus, c'est quand même non négligeable. Ouais. Le Pixel était déjà reconnu pour une très bonne qualité d'image. Puis il l'est encore, ben good. Moi, je suis tout pour ça. Je trouve ça génial. Il y a un seul objectif, contrairement au modèle plus haut d'iPhone. Là. C'est un seul objectif et ça fait du fichu de beau flou en arrière-plan. Et ben c'est ça. Moi, je veux dire, j'avais déjà le modèle de l'an dernier. Le modèle de cette année est aussi impressionnant côté photo. Ben, c'est une belle continuation, disons. Puis, mais ma photo de profil de Facebook est faite avec un Pixel 2. C'est Pascal Forgette qu'on salue, qui l'a prise. Et puis, je trouvais ça vraiment génial. Donc, je l'ai mis comme photo de profil Facebook carrément. Je dois dire que il y a beaucoup, beaucoup... moi qui n'ai pas un grand amateur Android, il y a une bonne amélioration à l'interface, les choses. Là, on voit que... C'est ce que j'apprécie beaucoup d'Android. Il travaille beaucoup là-dessus. Puis peut-être qu'à un moment donné, je pourrais me faire convaincre. c'est ça, c'est Android 8 Oreo. Là. Mm-hmm. C'est pas encore tous les téléphones qui sont rendus Android 8, mais les Pixel le sont. Mon Pixel XL, je l'ai mis à jour à Android 8. Mais c'est clair que si j'ai un jour je passe à Android, moi, ça va être un de Google. Oui. C'est sûr, parce que parce que tu as les dernières mises à jour, là, c'est ça. Puis les autres, ben des fois, tu peux te ramasser avec un téléphone qui a un an ou deux ans, puis plus de mise à jour, parce que le manufacturier, ben ça termine là. C'est vrai, j'ai vu ça passer d'ailleurs. En tout cas, j'ai pas les détails, là, mais il y aurait des mises à jour pendant 3 ans, officiellement, là, du système d'exploitation d'Android sur justement les Pixels et... Et certains autres, je pense. En tout cas, je ne veux pas trop m'avancer, là, mais j'ai vu qu'au départ, avant, c'était pour au moins 2 ans. Mm-hmm. Puis là, maintenant, ça serait 3 ans. Donc, ça prolonge potentiellement la durée de vie d'un appareil. Donc, c'est quand même intéressant là, de voir qu'on peut... Tu vois, moi, on peut chialer sur Apple, mais j'ai réussi à mettre mon vieux 5S à jour au dernier iOS. OK. En 5S, là, on parle de 5S. 1, 2, 3, 4, 5 ans. 5 ans. Déjà, ça va vite. Le 5 ans, 5 ans. Ouais. Ben oui, on est rendu au 8. Ben attends, t'avais 5. Ah oui, t'avais 6, 6S, 7. 5S, 6, 6S, 7, 8. Ah oui, 5 ans. 5 ans. Je te dirais pas que là, la performance, elle commence à manger à voler, mais ce que je lisais, c'est que même... Mon 7 du travail fonctionne comme un charme. Mon 6 a de la misère. Mon 6S a de la misère. Mais j'ai entendu que tout ce qui est en bas du 7 a de la misère. OK. Ils ont beaucoup, beaucoup optimisé pour le 7 puis le 8. Puis là, ils sont en train d'optimiser pour les autres, mais ça chiale beaucoup. Fait que d'après moi, ça va venir vite. Bon. Parfait. Et là, ben, tu voulais nous parler de la mort de la photo. J'ai vu ce titre d'article-là. C'est tellement du clickbait, là. C'est clair, là. Je veux dire, tu sais, l'article de la photo, c'est un réalisateur allemand qui s'appelle Wim Wenders qui fait une exposition de ses Polaroids. OK. Et il prétend que, selon lui, la photographie, c'est terminé. Là, j'étais comme, bon, j'étais très curieux. Puis je me suis dit que c'est définitivement le genre de choses qu'on pourrait discuter ensemble. Parce que c'est c'est une opinion très controversée, pour le moins qu'on puisse dire. Premièrement, en passant, ces Polaroids sont super intéressants. Okay? Il disait qu'il a pris 12 000 Polaroids entre 1973 et 1983. En 10 ans, OK. Mm-hmm. Il en reste 3500 environ. Là, il fait une exposition avec ça. Ce que lui, il disait, puis c'est intéressant, mais en même temps, je trouve ça contradictoire. Il disait, les Polaroids, ce qui était le fun, c'est que c'était quelque chose qui était prêt à prendre une photo sur le moment. Mais qu'en même temps, tu la regardais, tu pouvais en disposer, tu pouvais faire ce que tu voulais. C'était pas... Tu sais, ça capturait ce que tu voyais, qu'est-ce qui était. Ça pouvait ne pas rester. Exact. Il pouvait ne pas y avoir de traces de ta photo, disons. Puis c'est paradoxal dans le sens où ce que, en même temps, tu avais une photo directe avec ça, contrairement aux autres, mais en même temps, tu pouvais la mettre aux poubelles, puis ça disparaît, puis tu n'as plus rien. Ouais. Puis il dit, lui, c'est ça qu'il regrette. Il regrette que la photo est rendue tellement réfléchie, pensée, que l'instantanéité, le moment présent, c'est plus là. OK. Fait que pour lui, il considère que la photo, c'est mort. Là, je suis comme... Hey boy! Ouais. Ça fait très, très limité comme façon de voir les choses, oui, je trouve. Je dis pas que c'est complètement imbécile ce qu'il dit parce que ça ne l'est pas. Est-ce que c'est vrai que on n'a plus cette spontanéité nécessairement qu'on avait? Tu sais, même moi qui vois des fois juste avec les enfants, puis tu ah ouais, mais là, bouge pas, puis tu place-toi, fais ci, fais ça. C'est clair. Mais qu'on... tu pouvais le faire avec un Polaroid aussi. Je sais, définitivement. Mais je sais pas. Tu sais, comme lui, c'est ça, il appelle ça, tu sais, c'est instant stories, ces histoires instantanées. Ouais. Parce que, tu sais, c'est comme. Avec le Polaroid, t'étais quand même un peu limité aussi. Tu sais, c'est pas le genre d'appareil photo super puissant où mm-hmm. que tu pouvais prendre des photos à n'importe quelle situation. Quand ouais, disons, tu passais pas 10 minutes à régler tes paramètres. Non. Là, à faire. Tu sais, c'est. Puis. Ce que je trouve intéressant, puis ça, par exemple, j'aime ça. Moi, j'ai toujours aimé ça. C'est paradoxal, encore une fois, c'est des photos floues. Oui. Parce que les objets, le monde bouge. Mais, exemple, il y en a une, la deuxième photo qu'on peut voir, c'est les édifices sont très, très, très bien définis. Mais les gens, eux autres, ont continué à bouger. Fait que j'aime ça, le côté de mouvement qu'on... Oui, tu as une espèce de dynamisme. Mais c'est... tu pouvais pas avoir une... Ben, en tout cas, tu aurais peut-être pu, mais... C'est la photo qu'il y a, puis il n'y en existe pas d'autres, puis c'était comme ça, parce que, bon, c'est ça, l'équipement n'était pas mm-hmm. aussi performant qu'aujourd'hui, disons, ou tu n'avais pas autant de paramètres, justement, que tu pouvais régler ta vitesse, etc., là, avec ton Polaroid. Donc, mm-hmm. à un moment donné, ta photo était comme ça parce que l'appareil n'aurait pas pu en prendre une autre non, c'est ça. Différente. Là. Fait que tu sais, c'est... Comme je disais, c'est ce que je trouve particulièrement paradoxal là-dessus, c'est qu'on n'a jamais pris autant de photos qu'on en prend maintenant. Mm. Fait que je sais pas si je suis d'accord avec lui. Est-ce qu'on a une vision très différente de la photo? Ça, oui, par exemple. Oui. Ben, d'après moi, ce qu'il veut dire, lui, c'est que il parle pas de la photographie, le fait de prendre une photo, mais il parle de l'art de la photographie qui serait mort. Parce que là, n'importe qui en prend pour n'importe oui. quoi, puis à toutes les sauces. Puis tu sais, lui-même, il l'a dit. Il dit, tu sais, moi, j'ai tout appris, là, ce qui était l'exposition, le focus et tout ça. Puis il dit, quand il est passé avec son Polaroid, tout ça, il a mis ça aux poubelles, là. Oui. Parce que ça donnait plus rien. Là, il fallait qu'il pense juste à qu'est-ce que je dois prendre en photo, qu'est-ce que je veux prendre en photo, quel est mon sujet, tout ça. Puis ce côté-là du Polaroid est intéressant quand mmh. même, je dois dire, parce oui. que... Ben, c'est ça dont je parlais au dernier épisode, avec le Fuji SQ10. Mmh. T'as mmh. à peu près pas de paramètres. T'as un mode manuel puis oui, un ouais. mode automatique, mais le mode manuel, t'as pas tant de flexibilité que ça, là. T'as oui. pas beaucoup de latitude dans tes mmh. réglages. Ça vient rechercher un peu ça, là. Oui. Tu sais, ma fille, elle s'amuse beaucoup. Elle s'est amusée beaucoup avec cet appareil-là. J'ai dû le rendre. Mais elle prend surtout des photos, elle prenait des photos à l'extérieur, ouais, ouais. de la lumière. Et exact. Tout ça. Fait que dans ce temps-là, t'es bonnes conditions, ouais. guillemets. Parce mm-hmm. que tu prends ça dans un sous-sol ou boy, une fête ouais. en soirée, ça risque. Ben, tu risques d'avoir des photos floues, puis peut-être que c'est ce que tu veux aussi. Oui, exact. C'est... Mm-hmm. Mais il faut être juste conscient de ça. Puis un autre affaire aussi qui est quand même intéressant, par exemple, que je dois lui donner sur ce point-là, c'est il dit les Polaroids, ce qui est intéressant, c'est que la photo même, mm-hmm. elle a une certaine présence. Parce que des fois, elle est marquée, elle est pliée, les couleurs sont changées. Elle a une histoire. Exact. Non seulement au niveau de la photo elle-même, de l'image, mais au niveau du médium. Du médium, chose qu'on a, ouais. pour ainsi dire, complètement perdu ouais. ça. Parce qu'on regarde ça sur des écrans. Ouais. La ouais. photo, elle devient jamais moins bonne. Mm-hmm. On a toujours la même ouais. photo égale, qu'il n'y a plus rien dessus. Fait que ça, là-dessus, je suis obligé d'y donner ce point-là. Mm-hmm. Puis, en tout cas, je ne sais pas, j'ai trouvé ça quand même intéressant. Malgré le un peu clickbait, comme je disais, ouais. de titre. Il... Ben oui, mais il n'aurait pas pu titrer ça « Un artiste frustré s'ennuie de son Polaroid ». Non, ça... je sais bien, je sais bien. Mais je sais pas. En tout cas, c'est... Je vais le poster pareil, l'article. C'était intéressant. C'est un article sur The Guardian. Il y a... Comme je disais, ça fait réfléchir parce qu'il y a des points avec lesquels... Ça m'a donné autant le goût, on dirait, d'imprimer des photos. Puis quand on a parlé du Polaroid la dernière fois, j'aimerais ça avoir un véritable Polaroid. Je ne sais même pas si ça se trouve vraiment encore. Ben, regarde sur eBay ou sur... Peut-être. Tu peux sûrement en trouver. Mais ça, des fois, c'est des phases aussi qui me poignent. Tu sais, j'ai juste le goût de faire ça pendant un bout. Mais sinon, ça peut être joli sur une tablette ou sur ton foyer. Ou... Je sais pas si c'est un foyer. Là. Non. Bon. mais une chose est sûre, puis ça fait des mois que ma blonde me le demande. Faudrait vraiment que j'imprime une couple de photos. Bon. Oui, mais sinon, là, tu peux aller dans une pharmacie. Ah, là. Je sais. Mais c'est clair que si je les imprime, je vais aller dans une pharmacie ou des choses comme ça. Mais tu sais, elle me parlait de projets photo, des choses qu'on pourrait faire. Elle dit, on pourrait prendre des photos. Ben, je vais donner un exemple. Bon, les enfants prennent presque tous des cours de musique, puis tout ça. Puis elle voulait leur donner un bel endroit où ce qu'on pourrait faire exposer les objets, les instruments de musique, etc. Puis elle dit, ben. Là, elle a acheté des posters sur AliExpress qu'on va mettre, des choses comme ça. Puis elle a dit, t'as pris à peu près des milliers de photos dans un show. On pourrait pas en faire imprimer quelques-unes puis mettre ça sur les murs. Je fais, on pourrait définitivement. Là. C'est vrai. Tu sais, fait que j'étais comme, c'est quelque chose qu'on a perdu, ça. Passe du temps de qualité avec ta copine, avec ta femme, puis... Installe-toi à l'ordinateur puis dis viens, on va choisir 7-8 photos. Hein? Oh my God, non. Non, c'est pas du temps de qualité. Si tu savais combien il y en a des photos de ça. Juste les retrouver, ça va être le fun. Mais non, mais triche, fais un premier tri. Ouais. C'est une idée. Toi, tu sais où aller chercher, là. Fais-la pas à soi. Non, mais fais-la pas à soi à côté de toi si tu as 3000 photos à trier dans 200 dossiers, là. Ça doit être plus que ça. Bon, ça se peut, mais tu sais... ça doit être beaucoup, beaucoup plus que ça, même. Choisis-en, genre, une vingtaine, là, que toi, tu sais où ils sont, là, ces photos-là. Ben, puis là, tu lui dis, regarde, on va en choisir 5 ou 6 ou 7. Tu es comme moi, tu veux pas, je veux dire, on connaît un peu nos photos qu'on a prises, puis on sait celles qu'on aime puis qu'on n'aime pas. Je sais, tu sais, je veux dire... J'y revois passer des fois dans mes souvenirs de Facebook. J'étais comme, celle-là, je suis particulièrement fier. Mm-hmm. Celle-là, je l'aime bien, des choses comme ça. Fait que... Mais sors-la, celle-là. Puis après, tu lui fais choisir ses préférés. T'es trop organisé, Stéphane. Non, je suis wise. Je sais. J'essaie de te faire gagner des points avec ta conjointe. Mais il faut vraiment que je le fasse. Mais c'est vrai qu'on n'imprime plus rien. Puis que c'est quand même quelque chose qui est perdu aussi dans nos maisons, nos demeures. Puis tout ça. Parce que la présence d'une belle photo sur des murs, dans des cadres. T'as raison. Fait que c'est ça. Bon. Moi, j'ai deux œuvres de Jake Dion qu'on salue derrière nous, derrière toi. En fait, dans le studio. C'est pas des photos, mais c'est des beaux dessins que Jake a réalisés et que j'aimais beaucoup. Et qui. La palette de couleurs allait ensemble. Donc. Ouais. Mais ça fait partie de la même chose. On n'a pas des œuvres d'art, ça prend le bord avec notre société moderne. Mm-hmm. C'est triche. Eh bien, moi, j'ai quelque chose de plus réjouissant. Vas-y. Un photographe montréalais qui s'est inséré grâce à la magie de Photoshop dans ses photos d'enfance à lui. OK, j'espérais pas que il s'est inséré dans... OK, j'ai eu peur comment t'as commencé ta phrase. J'ai dit grâce à la magie de Photoshop. Oui, je sais. Non, mais c'est ça. Vous irez voir dans les notes d'épisode pour trouver ce lien-là. C'est le photographe montréalais. Il s'appelle Connor Nickerson. Il s'est ajouté lui-même, donc, à son âge actuel dans des photos où puis il s'habille à peu près de la même façon. Pas toujours, là, mais il y a certaines photos semblable. Où il est habillé semblable ou même pareil, avec des lunettes fumées ou tout ça. Ou bien il va regarder, il est assis, disons, à droite de sa mère ou peu importe. Puis là, plus tard, il est assis à gauche. Tu vois les deux, Connor. C'est pas mal, sincèrement, je veux dire. Ça paraît un peu, là, mais c'est quand même assez réussi. Il y a des photos bien réussies, là. Puis, tu sais, il y a une photo à l'extérieur, l'ombre aussi. Tu sais, il a essayé que tout pas fonctionne. Pas pire, je viens de la voir justement, celle-là, franchement, c'est assez surprenant. Donc, allez voir ça, il y a une dizaine, 10-12 photos, je pense. C'est quand même intéressant pour le concept, l'idée de la chose. Moi, je trouve ça très drôle, même si c'est pas parfait. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a réussi à quand même utiliser des filtres, des choses qui lui donnent comme un aspect vieillot, malgré tout. Fait que c'est quand même assez réussi. C'est ça. Voilà. Ça a été suggéré par Steve Lévesque, l'un de nos deux recherchistes officieux. Et ensuite de ça, Ah, on a eu une suggestion de Maxime Soriol. Et j'ai une bonne nouvelle. Je ne sais pas si ça va être au prochain épisode, mais bientôt, Maxime va se joindre à nous par la magie des internets. Des internets. C'est ça. Donc, il va se joindre à nous pour nous faire ses suggestions de la semaine. Donc, il va nous suggérer deux sites ou deux photographes ou deux trucs qu'il a trouvé intéressants. Et il va venir nous les présenter lui-même sur l'émission. Donc, ça va ramener une troisième personne un petit peu dans l'émission. Mm-hmm. Puis, changer un petit peu une dynamique, puis tout ça. Parce que, bon, tu sais, tout seul face à face avec toi, Christian, ça marche pas, là. C'est vraiment... Je sais. J'osais pas te le dire, de toute façon, moi non plus, tu sais, je suis pas capable de te regarder. Non, tu regardes tes notes, c'est exact. Ça? Ah, OK. Non, mais blague à part... Ça fait plus... Je trouve ça... Ben, tu sais, Maxime nous envoie toujours des trucs. Exact. Fait que je lui ai demandé, j'ai dit, Maxime, viens donc nous les présenter, puis ça va être encore plus intéressant, mm-hmm, parce que tu vas pouvoir nous dire pourquoi tu nous les suggères, ouais, qu'est-ce qui t'a accroché l'œil ou qu'est-ce que... Et il a accepté. Alors, il est gentil. Donc, mais sans si... blague, je veux dire, une des choses qui me manque le plus de ne pas avoir François, c'est les interactions justement à trois, c'était le fun. Puis c'est pas rien contre toi, rien de ça, parce que c'est super le fun avec toi aussi. Mais fait qu'avoir quelqu'un d'autre aussi, ça va nous ramener un peu comme en arrière. Nostalgie. Exact. Non, mais c'est ça. Maxime sera pas là probablement tout l'épisode, là, mais il va être là au moins une partie. Correct. Puis je trouve ça super gentil de sa part, super sympathique. J'aurais pas à supporter ta voix tout l'épisode, finalement. C'est ça, exactement. On va avoir un break vers la fin. C'est bien. Non, mais c'est ça. Maxime a suggéré un site super intéressant. C'est un type qui transforme des vieux appareils photo en petits robots. Ah bon? Et c'est tout mignon. C'est ça. Il y a des personnages. Tu sais, c'est pas toujours des robots très carrés et compagnie. Là. C'est... Mais j'aime ça. Oui, c'est, je trouve c'est ça super sympathique. Mignon. En fait, je vais pas les décrire. Là. Allez voir le lien, allez voir les photos. C'est mignon. Je trouvais ça vraiment intéressant. Comme, tu dis qu'il a massacré des appareils photo pour faire ça. Oui, pour parvenir à ses fins. Mais les appareils n'avaient plus de vie utile, alors il leur a donné une seconde vie. C'est très mignon. Ouais. J'ai vraiment un petit côté... voyons, comment il s'appelait, donc cœur-circuit, là? Ouais, Johnny 5, mm-hmm, c'est ça. Avec Johnny 5, ouais, là. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ça, moi, quand j'avais vu Wall-E, le film Wall-E sortir, je me suis dit, mais c'est Johnny 5 refait. Alors, mm-hmm. C'est vrai. Enfin, toi aussi, tu avais une suggestion de Maxime. Oui. Hein? Ouais. Oui, en effet. Je te dis, j'ai même plus besoin de faire de travail, c'est Maxime qui le fait pour nous. On a déjà parlé dans le passé du light painting, de faire de la photo en utilisant la lumière. La lumière. Oui. Mais j'avoue que j'avais jamais vu ce type de light painting-là. Mm-hmm. Le photographe a utilisé, il faut d'ailleurs être bien préparé pour faire ce genre de light painting-là, mais a pris un assistant qui passe en arrière d'un couple de mariés avec... Je sais même pas comment le décrire, mais c'est un... Vous savez, dans les cirques, parfois, il y a justement quelqu'un qui se prenait avec un cerceau de feu pour faire sauter le lion. Mais lui, c'est pas un cerceau, c'est une barre quelconque. Oui, c'est ça, une barre. C'est un mur de feu transportable. Exact, ça fait un mur de feu derrière les mariés. C'est ça, c'est vraiment cool. Je suis impressionné du résultat. Le mur de feu est très, très naturel. Quand tu vois le résultat avec la photo, là, c'est franchement assez... Tu ne peux que penser que c'est photoshopé, mais non, c'est du light painting. Exact. Tu te dis, c'est parce que, honnêtement, ça demande quand même beaucoup de préparation à faire ça. Là. Oui. C'est combien ça a dû coûter pour le petit couple à faire ça, là. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est un couple de feu. Ça, c'est sûr et certain. Oh. Je l'ai travaillé depuis longtemps. Oui, ton jeu de mots aussi est en feu. Oui, non, je sais. Tout feu, tout flamme. Bon. avant que ça dégénère plus. Oui, c'est ça. On a eu une autre suggestion. Merci, hein, d'ailleurs, de nous envoyer vos suggestions. On aime ça, sincèrement. Par, on par en Twitter, découvre plein. Par Facebook, par email. Par email, c'est toujours podcast@objectifnumérique.com. Mais sinon, on en reçoit souvent par Twitter ou par Facebook. Et celle-ci, on l'a reçue de Sébastien Manudrita, un auditeur de longue date, parce mm-hmm. que je me souviens de son nom dans les concours photos, là, les défis photos et tout ça. On a le ciel le plus propre du monde filmé dans un time-lapse vraiment impressionnant. C'est indescriptible. C'est vraiment beau. le nombre d'étoiles qu'on peut voir dans... C'est... Puis là, je pense à ma photo d'étoile, puis je... Puis tu pleures un peu. Je vais verser une larme. Je vais verser une larme. Mais non, vraiment, ça prend un ciel, tu sais, ça prend un ciel vraiment propre, justement, qu'il n'y ait pas de smog, ça... qu'il n'y ait pas de... Ça, on s'entend, on en a déjà parlé dans le passé aussi, c'est souvent avec des appareils photo un peu plus... avec pas de filtre passe-bas, des choses comme ça. Là, ben, R2 n'a pas de filtre passe-bas. Malgré tout. Malgré tout. Mais c'est que ça prend un très grand angle aussi, parce que déjà, juste à 24 mm, là, ça limite la durée d'exposition avant que ça fasse un petit filet. Ça a l'air presque extraterrestre. C'est fou, là. Allez voir ça, ce time-lapse-là. Cette photographie d'accéléré. C'est quoi que j'aime particulièrement aussi, c'est qu'il est en 60 images par seconde, chose qu'on voit pas souvent. C'est vrai. Parce que normalement, on tombe beaucoup sur les 24 images par seconde pour le côté plus artistique, mais ça rajoute énormément le 60 images par seconde. C'est beaucoup plus fluide, c'est plus extraterrestre à cause justement qu'on n'est pas habitué. C'est ça. Non, c'est bien. Alors, merci beaucoup, Sébastien. Et il y a Debbie Rouleau, une amie à moi, qui a trouvé des photos du fils de Steve Irwin. Vous, vous souvenez-vous de Steve Irwin, l'aventurier qui, malheureusement... a péri de façon assez atroce. Ben, peut-être qu'il est mort heureux parce qu'il faisait ce qu'il aimait. Ouais. Donc, il avait été piqué par une carpe, c'est ça, une... Une raie. Ouais. Enfin... donc, il était décédé dans l'exercice de ses fonctions, si on peut dire. Ouais. Mais c'est ça, il fait déjà de la photo. De la très bonne photographie, je dois dire. Et vous irez voir ça. Mais il faut dire que l'équipement ne nuit pas. Oui, ben, il a l'air bien équipé, disons que, mettons que je... Ouais. Ça aide aussi. Ça nuit pas, mettons. C'est ça. Mais tu sais, combien de photographes, justement, ont commencé avec l'équipement de leur père, tu sais, ou de... Mais on l'a déjà dit, je veux dire, ça ne remplace pas tout. Non. Mais ça aide des fois beaucoup, par exemple. C'est ça. Tu sais, comme l'argent fait pas le bonheur, mais ça rend peut-être moins malheureux, tu sais. Exact. Bon, tu sais, alors sur cette parole philosophique... Cette maxime... tellement approprié. voulais-tu présenter la dernière? Non, on en a même deux autres. Écoutez, on est en feu. Et c'est pas à cause de la vidéo d'accéléré de tout à l'heure. Oh boy. Écoute, on a un tour du chapeau, Maxime Soriol, troisième suggestion. C'est une vidéo qui présente comment les appareils Leica sont assemblés. On n'a jamais réussi à avoir de contact avec eux autres. Hein? C'est triste. Non, c'est vrai. Hein? Si quelqu'un connaît quelqu'un, là, on est prêts, hein? On veut les essayer, nous. Je crois que... j'ai vu les bureaux de l'ECA à Montréal. C'est intéressant. Parce que je me suis toujours posé la question. Tu sais, on sait tous combien ça vaut. Comment ils sont assemblés? Ben voilà, t'as la vidéo, là. Oui, non. Non, très intéressant, soit dit en passant, mais c'est pas ça, je veux dire. On a tous vu le prix que ces appareils photo-là sont vendus. Mm-hmm. Je suis curieux de voir. Qu'est-ce que ça apporte de plus? Voilà. C'est ça que tu veux savoir. Hein? Ouais. Quelle est la plus-value? Quelle est la plus-value? Oui. Ben voilà. En attendant, ben allez en voir. En attendant, regardez avec, ça. Ben, c'est déjà intéressant de voir comment l'appareil est construit point à la ligne, honnêtement. Là. Allez voir avec quelle quantité d'amour ces appareils sont construits. Donc, disons de patience, hein, de temps. Oh, parce que, mon Dieu, je serais pas capable de faire ça. T'imagines avoir un boulot répétitif comme ça? Là, j'ai travaillé chez McDo, c'est en masse pour moi. je suis en train de le regarder en ce moment, puis dans ma tête, je suis comme non, non, non, non, non. Et on a une dernière suggestion pour conclure l'épisode. C'est un photographe et sa muse qui s'amuse à recréer des photos iconiques, des photos historiques, si on veut. Et c'est ça, ils font une espèce de... Un hommage. Un hommage! Bon, hey, merci Christian. Ça doit être l'absence de François qui... Définitivement. Je suis plus inspiré. Mais c'est ça, donc ce sont souvent des photos hommage à des photos iconiques, des photos très populaires et tout ça. Et puis, ils se sont amusés à recréer ça. Et pour ceux... si vous connaissez surtout les photos originales, parce que j'ai trouvé ça juste un petit peu dommage, on n'a pas nécessairement toujours la photo originale. Mm. pour comparer côte à côte, ça aurait été intéressant de voir justement la photo originale et celle-là, puis celle qu'ils ont recréée. Mais bon, ça te vaut le coup d'œil quand même. Ce sont de belles photos. C'est juste que là, il y a une petite touche, parfois peut-être, ben, pas humoristique, mais il y a un petit... On sent le clin d'œil dans certaines photos. Ouais, clairement. Là. Puis d'autres, ben, c'est un peu plus sérieux ou un peu plus artistique dans l'espèce de dommage de reproduction. Mais en tout cas, c'est intéressant à les voir. La plupart sont évidemment en noir et blanc parce que ce sont des photos historiques, donc qui datent de plusieurs décennies. Et sur ce, Christian, on va conclure ce 115e épisode. Merci beaucoup. Merci toujours. Et merci, chers auditeurs, fidèles auditeurs. Il y en a qui sont avec nous depuis le tout premier ou tout près. Donc, faites-nous signe si vous nous écoutez depuis le premier. On serait curieux de le savoir pour vrai. Là. C'est vrai. Envoyez-nous un petit message Facebook ou Twitter en privé, si vous voulez, là, puis, ou par email, comme je disais, à podcast@objectifnumerique.com. Et à l'épisode 116, on le souhaite. Christian devrait avoir une critique du Panasonic Lumix GH5. OK, oui. Et là, on va voir le suspense, la surprise, c'est avec quel objectif oui. ou quels objectifs, on verra. Mm-hmm. C'est ce qui nous reste à déterminer. Donc, on va espérer fort d'avoir... Je peux vous dire tout de suite qu'un des points faibles qu'il n'y aura pas, c'est que lui, il a déjà le 4K. Voilà. Donc, d'ici au prochain épisode, à vos déclencheurs! Thank you.